sans risque de discorde, d'en avoir pour ton pognon. Bien adéquate, bien au-dessus de ça. Te souviens-tu de son corps? Cunu. Quelques billets bien adéquats. Bien au-dessus de ça. Se serrer l'un contre l'autre. Allez, une pipe et au lit. Bien adéquate. Bien au-dessus de ça. Sa bouche gobant ma verge, puis son sexe je lèche, puis ses seins, ses fesses, bien adéquates, bien au-dessus de ça. Nom de Dieu. J'y suis, bien adéquate, bien au-dessus de ça. J'y suis. J'en peux plus. J'éjacule en levrette. Bien adéquate. Bien au-dessus de ça. Elle m'enlève le préservatif d'un mouchoir. Elle essuie. Elle essuie. Bien adéquate. Bien au-dessus de ça.